Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... De monsieur, de garçon... Des garçons ? Oui. Oui. Et adultes aussi, garçons. Mais en tout cas, c'est surtout pour un journal que je vous rencontre, qui s'appelle Kairos, comme ça qu'on dit ? Kairos, moi je dis comme ça. Hein. Moi je dis comme ça aussi, oui. Kairos. Et ça vient d'où ? Kairos. Bah, ça vient d'où ? C'est un titre qu'on a vu en lisant la presse et moi je me suis renseigné sur ce que c'était et je trouvais que le concept était assez intéressant. C'est-à-dire ça signifie le moment opportun pour initier le changement, en gros. Donc voilà ce que ça signifie. Donc comme on ne retrouvait pas dans la presse ce qu'on pensait qu'une presse devait faire, ce que le journalisme devait faire, c'est-à-dire pour moi journalisme et critique, les deux doivent être liés, ben, on trouvait que le titre allait bien pour un nouveau journal belge. Dans la vision de la décroissance, bien qu'on ne s'est pas dit décroissant, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Kairos. Voilà. Ça paraît parfois un peu abstrait, obscur, mais on comprend vite ce que c'est, surtout avec le sous-titre en dessous, journal antiproductiviste pour une société décente. Et puis c'était aussi pour ne pas justement tomber dans un journal... Enfin, on n'a rien contre le journal décroissance, mais le nom en soi, on aimait moins, parce que ça, directement, ça donne un ton, tu vois. Tandis que Kairos, c'est peut-être un peu plus poétique comme ça, tu vois. C'est assez large aussi comme mot, parce que ça signifie aussi... ça, c'est un des sens, mais... Il a plusieurs sens sur le temps, etc. Et puis en plus... tu peux en discuter avec les gens quand on parle de Kairos. Donc si tu dis « Ah oui, Kairos, c'est quoi ?» Alors tu expliques déjà le nom. Et puis je trouve que c'est une meilleure rentrée en matière que de dire, je sais pas moi, ça aurait pu être l'anti, je sais pas quoi. Et puis il est difficilement récupérable. Oui, aussi. Le mot Kairos. Le mot Kairos est difficilement récupérable. Ouais. Voilà, comme le terme de décroissance, en fin de compte. Comme le terme, le sous-titre du journal, antiproductivisme, il est difficilement récupérable. Au contraire, par exemple, du terme développement durable ou des choses comme ça. On aurait pu l'appeler le journal du développement durable. On ne l'aurait jamais appelé comme ça, mais il y a des années où, quand on y croyait encore, ça aurait pu être un terme, mais il a été récupéré. Kairos, je ne pense pas que c'est récupérable. Ou, en tout cas, c'est l'illusion qu'on a. Des années où on y croyait encore. Qu'est-ce que tu es ? Mais peut-être, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir la naissance de ce journal. Vous êtes deux là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de vous ? Bah, on est deux... piliers, disons. Deux, oui, voilà. Nous, on est tout le temps là. Et puis, on s'occupe... on fait un peu le suivi des journaux, des dossiers, le contact avec les illustrateurs, avec les correcteurs, les auteurs et tout. Mais après, on est une grosse équipe. Il y a presque 30 illustrateurs maintenant qui tournent dans les auteurs. Il y a déjà 4 chroniques, donc toujours les mêmes auteurs. Mais bon, autour de ça, je sais pas, l'équipe est super grande. Si maintenant on reprend tous ceux qui réécrivent dans le journal. Puis bon, on est aidé aussi pour le graphisme. On a une étudiante de la Camp qui nous aide. Donc il y a plein de gens autour, quoi. Ouais, c'est un peu ce qui est fantastique autour du journal, c'est qu'on a eu énormément d'initiatives, de gens spontanément qui sont venus vers nous pour dire qu'ils voulaient aider. Encore plus, disons, au niveau des illustrateurs, mais les chroniqueurs aussi, les gens qui font des articles. Et donc voilà, c'est déjà une richesse, c'est déjà en soi un sens, c'est-à-dire de montrer qu'on peut faire un bon journalisme, bon, sans prétention, parce qu'on pense que c'est un bon journal, sans être nécessairement journaliste, sans être passé par une école qui souvent formate aussi, il faut le dire. Donc voilà, il y a énormément de gens. Ce qu'il y a, c'est que, étant donné qu'on est bénévoles, on est tous bénévoles, à part l'imprimeur. Étant donné qu'on est bénévole, c'est difficile de se rencontrer, de faire des réunions de rédaction comme dans un journal classique. Donc on est une équipe, mais elle est en train de se faire. Disons que le journal s'est fait avant l'équipe. Donc l'équipe est en train de se créer, on est en train de... Bon, c'est édité par une SBL, donc on doit faire des assemblées générales qui sont en fait un peu un prétexte pour se rencontrer. Et donc l'équipe est en train de se faire, on est en train de s'identifier un peu au journal et de se sentir membre de Kairos progressivement. Ça s'est fait un peu inversement peut-être à d'autres journaux qui se construisent d'abord il y a une équipe et puis le journal se fait. Là, il y a d'abord eu le journal. Parce qu'on était un peu pressé de le sortir. Bon, on a quand même mis un an avant de le faire. Bon, on a fondé ça avec un... Il y avait un cofondateur qui s'est retiré pour diverses raisons. Et voilà, donc l'équipe est en train de se créer et ça commence à vraiment bien fonctionner. Et comment ça démarre, cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un journal, c'est de la folie, quoi ? Alors qu'on sait bien que le papier... Qui va lire votre journal ? Enfin, c'est vraiment... Vous y croyez, là ? Ben... Ouais, il y a du hasard, il y a du vécu. Disons que à l'époque, moi, j'étais pas un grand militant, mais je militais plus dans mes milieux professionnels. C'est-à-dire que individuellement, je me battais pour changer les choses. J'ai travaillé dans le carcéral, j'ai travaillé dans l'enseignement, des institutions très conservatrices, très fermées. J'ai eu beaucoup de problèmes. Puis j'ai eu envie d'écrire. J'ai fait un blog. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré le porte-parole des objecteurs de croissance. Et un jour, on s'est rencontré au Skuren à Saint-Gilles et on s'est dit, bah, si on crée un journal. Bon, c'était un rêve. C'était totalement absurde. Et on l'a fait. Bon, lui avait des bons contacts. Voilà, on avait du temps. Et donc, ça s'est fait. Ça paraissait absurde. Maintenant, le 16e numéro va sortir en décembre. On ne pensait jamais que ça se ferait. Mais ça s'est fait. Donc voilà, c'est... On pensait qu'au niveau... Et puis Pierre nous a très vite rejoints. On pensait qu'au niveau de la... Pierre, c'est qui ? Pierre, c'est le graphiste. Personne ici, là. Le graphiste principal, Pierre Lecrenier. Voilà. On pensait que le levier de la presse était essentiel. La presse, c'est pas... Disons, c'est pas un épiphénomène de ce qui se passe. C'est vraiment central. Si on en est où on en est, c'est parce que la presse nous a lavé le cerveau pendant... des dizaines d'années. Donc on pensait que c'était essentiel de faire un journal qui aille dans un sens opposé à ce que les masses médias font. Ok, je te prends au mot là, mais tu dis, oui, la presse a fait un lavage de cerveau depuis plein de temps. Tu peux donner un exemple concret pour qu'on comprenne bien ce que tu dis ? Ce que tu dis ? Bah, y a un exemple simple. En 2011... Après 540 jours et quelques pour former le gouvernement, les syndicats ont décidé de faire des grèves. Et la presse a, de manière unanime, fait des titres qui montraient très clairement que les syndicats devaient se calmer et que faire des grèves, c'était une mauvaise idée. Ils ont titré, je ne sais plus à quelle date, mais... la grève, deux points, une grève pour rien, quoi, ils ont titré, je sais plus le titre, mais une grève pour rien. Donc, par exemple, ça. Il y a d'autres exemples. Hier, j'étais à une conférence organisée par le Xara, et il y avait Gilles Toussaint de la Libre Belgique, qui gire la rubrique environnement. un moment, je lui dis, ben, voilà, l'écologie a tout simplement été récupérée par le capitalisme. Ils en ont fait un fonds de commerce et ils en ont fait une rubrique dans les journaux. L'écologie, ça ne doit pas être une rubrique. L'écologie doit être dans tous les articles. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut la citer et dire écologie, vert et tout ça, toutes ces conneries dont les écolos parlent. Non, l'écologie doit être partout. Ça doit être une pensée systématique. Donc, par exemple, tous les articles qu'on fait ou qu'on reçoit, plus ou moins, parce que bon, on n'a pas non plus un contrôle... sur les articles qu'on reçoit, donc on modifie pas tout, il n'y a pas un bureau de contrôle, donc parfois certains articles on est moins d'accord, mais on les passe quand même, parce qu'on pense que d'un point de vue stratégique, c'est bien d'avoir des articles moins radicaux. Attends, parce que qu'on comprend pas bien, enfin je ne comprends pas bien, quand tu parles d'articles que tu reçois, c'est de votre groupe de 30 personnes, c'est ça ? Non. Là je comprends pas bien en fait. Non, parce qu'il y a 4 chroniqueurs réguliers qui envoient leurs chroniques, on leur fait confiance et on n'a jamais eu de problème. Il n'y a pas une réunion de rédaction où on se dit, tiens, toi tu veux écrire ça, toi tu veux écrire ça, toi tu veux écrire ça. Non, ils ont des sujets, l'écologie politique, plus précisément l'écologie politique, l'urbanisme, Jean-Pierre Collignon, c'est une critique très radicale. Mais on n'a pas, voilà, on n'a pas vraiment de, ils n'ont pas vraiment de, ils ont un sujet précis, on leur fait confiance, ils ont leur chronique. Par contre, il y a certaines personnes qui font un dossier, et là on reçoit des textes, on ne les a jamais vus écrire, donc on leur renvoie le texte, on fait des petites corrections, mais on n'est pas toujours totalement d'accord avec eux, on n'est pas 100% d'accord avec eux. Mais on pense que... Mais ce n'est pas le but non plus. Ce n'est pas le but non plus. Du moment voilà. Que, voilà, ce qu'on veut montrer, c'est... Si on fait un dossier, bon, c'est plutôt Alex qui s'occupe justement de toute la gestion du dossier, mais en général, on essaie d'avoir plusieurs points de vue aussi, pouvoir confronter différents points de vue. Et donc, justement, parfois, le débat émerge de ça. Enfin, c'est-à-dire qu'on met en évidence des problèmes de manière sans devoir spécifiquement, sans devoir guider non plus les gens en leur demandant d'écrire telle ou telle chose. C'est une manière de faire émerger le débat justement à partir de différents vécus, non ? Enfin, il me semble. Ouais, moi je trouve ça génial qu'un type qui se dit pas du tout décroissant, à la limite voilà. qui trouve la décroissance quelque chose de dangereux ou de malsain, qui néanmoins accepte d'écrire dans le journal. Mm-hmm. Parce que celui qui va le lire à côté d'un article très radical. Ça va avoir un impact, à mon avis, plus positif pour certains lecteurs qui auraient été un peu méfiants que s'ils ne voyaient qu'une ligne éditoriale très fermée. Alors, je pense que c'est nécessaire d'avoir des lignes éditoriales très fermées, hein, où tous les articles ne sortent pas du cadre. Mais c'est peut-être pas... J'essaye de comprendre bien votre démarche, hein, aussi, parce que... Mais c'est peut-être pas une ligne éditoriale... comment tu as dit ? Fermé, mais concentré, plus ferme aussi, puisqu'on est un peu dans un monde au niveau des médias, justement, où c'est très manipulé, c'est très consensuel, comme ça, on prend pas trop de... Quand je parle de l'ouverture et de la souplesse de la ligne éditoriale, c'est néanmoins dans un cadre. Donc, par rapport à la presse mainstream, comme on dit, ou les masses médias, je préfère, là, on est intransigeant. Il ne faut pas croire qu'ils vont changer quelque chose. Mais par contre, dans ce cadre, il y en a un autre où on est un peu plus souple. Donc, il ne faut pas se dire décroissant pour écrire dans Kairos. Il ne faut pas être décroissant pour lire Kairos. On peut tout simplement trouver un dossier intéressant. Voilà, genre sur... on a fait dans le numéro 4, sur, c'était le 4, je pense, sur les ondes. Ben, quelqu'un peut très bien être intéressé sur l'impact sanitaire des ondes sur la santé, sans néanmoins avoir combattu à d'autres niveaux ou s'être impliqué dans d'autres niveaux. Voilà. L'idée, c'est que le lecteur ne doit pas être d'accord sur tout. On ne veut pas qu'il soit d'accord sur tout. On veut créer une discussion qui n'existe plus dans nos sociétés. Il n'y a pas de débat démocratique. Mais disons que en tout cas, dans les médias. Moi, je crois que vraiment la ligne éditoriale, ce qu'on veut vraiment ne pas perdre... Et donc là-dessus, on essaie d'être intransigeant, c'est le fait de ne pas avoir des articles qui manipulent, enfin qui ne sont pas sincères, quoi. Donc à la limite, on peut ne pas être toujours d'accord sur les propos de quelqu'un. Voilà. En fait, on n'a pas la science infuse et on cherche aussi. Donc on cherche là-dedans. Enfin, je pense que dans Kairos, il y a une partie aussi de recherche comme ça. Mais ce qui compte, c'est en tout cas d'être. Je trouve pas le mot, mais d'être que ce soit des articles qui ne sont pas manipulateurs, quoi. Voilà, d'être intègre. Donc si à partir du moment où l'article est intègre et que on le contextualise, on peut avoir une petite introduction au dossier, etc. aussi pour expliquer les différentes le développement du dossier. Mais à partir de là, voilà, le lecteur est au courant et il sait. Il connaît le cadre dans lequel on a récolté les articles, quoi. Mais il y a des bons exemples, hein. Hier, justement, à cette soirée, cette conférence, il y avait André Rouet, le rédacteur en chef d'Imagine Demain le Monde. Et à un moment donné, il dit « Ouais, non, moi, je suis totalement libre. Mais néanmoins, d'ailleurs, il y a une personne qui était là dans l'Assemblée et qui l'a relevé après. Il dit « Mais néanmoins, sur la question des avions, là, je m'autocensure. » Il l'a dit clairement « Je m'autocensure. » Et de manière générale, toute la soirée, que ce soit le responsable de la chronique environnement à la Libre Belgique ou Yard Lingard, je crois qu'elle s'appelle, de Mediapart, ils étaient tout le temps dans un questionnement sur ce que j'écris, est-ce que ça ne va pas choquer les lecteurs ? Et moi, je leur ai dit à un moment donné, j'ai pris la parole, j'ai dit, c'est bizarre parce que nous, quand on écrit dans Kairos, ou moi, quand je reçois les textes, je ne me pose jamais cette question. J'ai envie de faire des articles qui recherchent une certaine vérité, objectif, mais je ne me demande pas si je vais culpabiliser les lecteurs ou si... Non. Et je leur ai dit quelque chose, c'est, en fin de compte, votre peur que les lecteurs soient choqués, c'est un peu, bon, c'était peut-être un peu complexe, mais c'est tout simplement une projection de votre propre peur à vous et du fait que vous ne voulez pas vous avouer, que vous auto-censurez. Les journalistes s'auto-censurent, clairement. Alors, Gilles Toussaint a eu une rubrique dans les Libres Belgiques et je le remercie d'avoir parlé de Kairos quand il est sorti parce que c'est le seul mass-média qui en a parlé. Il a fait un tout petit encart, mais bon. Mais ils lui ont donné une rubrique. Mais la ligne éditoriale du journal en elle-même est restée la même. Ils lui ont donné une rubrique environnementale parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut parler d'environnement. Mais en attendant, le reste, la ligne éditoriale de La Libre ou de n'importe quoi, reste la même. Le traité transatlantique, ils ne vont jamais en faire un dossier, comme Kairos l'a fait. Jamais. De toute façon, tout le monde est d'accord pour être écolo. Tu vois, tout le monde, non. Mais, bah, si, en fait. Il n'y a personne qui est pour officiellement tuer l'environnement, tu vois. Tout le monde est pour l'environnement, en soi-disant, mais donc voilà, il faut toujours une petite chronique écolo ou autre, mais comme dit Alex, ça ne, il faut que ce soit de manière parallèle, quoi, de manière, enfin non, pas de manière parallèle, mais à travers tout un journal, tous les articles, quoi. C'est quelque chose, c'est pas une petite bulle comme ça qu'on gère à côté, non. Quoi, ça fait partie de l'ensemble. C'est un peu la métaphore de l'homme qui ne ferait pas partie de son environnement. Donc, l'environnement, on le gère ailleurs. Non, d'ailleurs, le terme environnement est totalement absurde. Il n'y a pas d'environnement. On fait partie de la Terre. La Terre fait partie de nous. Donc, c'est un ensemble, c'est une harmonie. Ça n'a pas de sens de parler d'environnement. Et donc, ils ont parlé d'environnement pour pouvoir justement continuer une société de croissance, continuer à polluer la planète en faisant croire qu'on faisait le contraire. C'est ce que les écolos font, c'est ce que tout le monde fait. Donc, En tout cas, vous, votre journal, c'est quand même ça c'est un journal anti-productiviste, quoi. D'accord ? Mm-hmm. Donc ça se positionne quand même. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, on se positionne, clairement. On se positionne. Alors, il y a des théoriciens qui pourront longuement parler de l'anti-productivisme. Nous, c'est un terme qui nous paraissait... quand on a créé le journal, porteur, de nouveau, qui ne pouvait pas être récupéré. L'antiproductivisme, c'est quoi ? C'est tout simplement pour fendre toutes les structures sociales, économiques, qui ont fait que nous ne sommes que dans un système où l'on doit produire et consommer, et où la question du sens ne se pose jamais. Alors, c'est la même chose pour les syndicats. On fait une manifestation nationale le 6 novembre, si je ne me trompe pas, et on est encore en train de parler du pouvoir d'achat. Hein, quelques années avant, c'était aussi le pouvoir d'achat. Bon, ils n'ont pas compris que le pouvoir d'achat, c'est terminé. Alors, c'est pas pour ça que je dis que la manifestation était un échec. Non, c'est bien. Mais il faut, à un moment donné, modifier le logiciel. Il faut changer de discours. Le pouvoir d'achat, c'est terminé. Le travail plein temps, c'est terminé. Il faut réduire le temps de travail. Il faut vivre autrement. Il faut moins consommer. Voilà, donc l'antiproductivisme, c'est ça. C'est... mettre à plat cette idée qu'on doit travailler, consommer, dire mettre au boulot dodo, quoi. Dire, c'est terminé. Dire, c'est ce qu'on veut montrer, que c'est terminé. On est loin du fait que ça soit terminé. Hein. Le nombre de voitures ici à Bruxelles augmente de jour en jour, c'est intenable. On perd 2 ans de notre vie. Sur toute notre vie, on perd 2 ans à cause de la pollution atmosphérique. Les gens continuent à être seuls dans leur voiture. C'est assez, en même temps, voilà... On est très pessimiste, mais dans le sens du pessimisme réaliste et positif. C'est-à-dire qu'être optimiste, comme disait un peu François Barton actuellement, être optimiste, c'est totalement délirant, quoi. Ouais. C'est vrai, dire que tout va bien, c'est un délire. Non, tout va mal, mais on a envie que ça aille mieux. Alors que dire que tout va bien et tout va bien, parce que tout va bien, c'est ça. Tout va bien, mais tout va bien. Et tout ira bien. Non, tout va mal, mais on espère que ça va aller mieux. Oula. Non, mais disons qu'il y a dans ce tout va mal, il y a quand même des fois des choses qui vont bien. Et ça, on va peut-être pas le souligner. C'est aussi c'est aussi, comment dire ça, une idée que ben, si on transmet la peur et que ça va mal, ben, les gens ils consomment encore plus. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Ouais. La deuxième, c'est que bon, il y a des gens dans leur voiture, machin, bazar, ben, ils n'ont peut-être pas fait tout le chemin que vous avez fait. Donc ça aussi, on peut le comprendre, quoi. Oui, donc, c'est une très bonne, c'est une bonne question, parce qu'on est là-dedans. On ne doit pas tomber... On fait pas attention quand on écrit un article à ce que les lecteurs vont penser. Mais c'est vrai qu'on se pose quand même la question, même dans nos vies de tous les jours, est-ce que néanmoins on ne va pas culpabiliser un individu qui est victime de ça ? C'est clair que quand on vit à la campagne, on ne sait pas vivre sans voiture. On a structuré la société pour qu'on prenne nos voitures. Dire, on a structuré la société pour aller à Barcelone, on aille en avion. Alors qu'avant, il y avait un train couchette qui partait de Paris et qui ne coûtait rien. Donc c'est clair qu'on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait créé le Kairos en disant d'autres presses, enfin, sans citer de journaux. Il y en a justement qui jouent tout là-dessus, quoi. C'est eux les gentils et les autres c'est les méchants. Oui, mais c'est ouais, ça, ça fait ça, du bien de sortir pas, de ça aussi. On ne voulait pas du tout, c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé. D'ailleurs, on avait un peu de mal, on aime bien le terme anti-productiviste, mais on avait quand même un peu de mal simplement avec le fait que c'était anti quelque chose. Mais bon, on s'est dit que voilà, c'est quand même ce qui fonctionnait, mais le côté anti, ben, ça pouvait aussi être un peu. Voilà, on y a réfléchi, mais, moi j'avais pas de mal, mais on y a réfléchi. On y a quand même réfléchi. Moi au début. Mais en soi, c'est vraiment ce que ça traduit, donc voilà. Et puis, on aimerait bien mettre un peu plus d'espoir, hein, mais bon, je pense quand même qu'il y en a. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a créé la rubrique alternative dedans, par exemple, qui montre aussi des gens qui mettent des choses en place, que ce soit des associations ou des modes de vie. C'est fantastique parce que par rapport à la question de l'anti, on est ici dans le Kairos numéro c'est le 14, je crois. Et bien justement, c'est sur cette question de l'anti, il y a de temps en temps des lecteurs qui nous demandent « Mais pourquoi dire anti ? Pourquoi dire anti ?» Et moi, je réponds toujours, en fait, ils sont dans une logique de séduction auquel nous a habitué le système capitaliste. Et donc, j'ai trouvé une phrase dans « Décroissance ou décadence », le livre de Vincent Chenet, qu'il a sorti il y a quelque temps. Donc Vincent Chenet, le rédacteur en chef de La Décroissance, et il a sorti une phrase de Martin Luther King que je trouve pour ça. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Donc je la cite. Le grand obstacle à notre mouvement vient des réalistes, réalistes entre guillemets, qui vénèrent plus l'ordre que la justice et qui préfèrent une paix négative, caractérisée par l'absence de tension, à une paix positive, caractérisée par la mise à jour des conflits. Encore faut-il bien préciser que nous, qui produisons les actions directes, ne sommes pas ceux qui produisons les tensions. Nous nous contentons de les dévoiler. Nous les faisons apparaître au grand jour pour qu'on puisse les reconnaître et les traiter. Donc l'antiproductivisme, c'est pas nous qui créons l'anti. C'est parce qu'il y a une société qui crée la misère. Parce que la misère est structurelle, évidemment. La misère, c'est pas, la misère n'est pas un accident du capitalisme. C'est une structure du capitalisme. Le capitalisme a besoin de pauvres et a besoin de riches. Et comme il ne veut pas s'attaquer aux riches, on le voit très bien maintenant avec ce qui se passe avec le nouveau gouvernement qui n'a rien touché, qui n'a nullement touché à la richesse, ils ne veulent pas toucher aux riches. Donc s'ils ne veulent pas toucher aux riches, ils ne veulent pas toucher aux pauvres. Donc ils vont s'arranger pour créer des structures caritatives, pour créer des assistants sociaux, des choses comme ça, pour contenir la révolte. Mais ils ne vont jamais toucher à la richesse, donc ils ne vont pas toucher à la pauvreté. Et ben, je trouve que ce que dit là Martin Luther King, ça veut tout dire. L'antiproductivisme, ce n'est pas négatif. Alors ce qui me fait parfois rire, c'est qu'on a appelé notre journal aussi « Pour une société décente ». Et ce qui est génial, c'est que les gens relèvent rarement, ils relèvent antiproductivisme, mais ils ne relèvent jamais « Pour une société décente ». Parce que si on dit « Pour une société décente », ça veut tout simplement dire qu'on est dans une société indécente. Ça veut dire qu'on est dans une société où on a fait de la pauvreté une structure pérenne et permanente qui va continuer. Une habitude. Une habitude, oui, une habitude. Dire, on voit de plus en plus maintenant de gens qui mendient dans la rue. En 2015, il va y avoir 50 000 personnes qui ne vont plus avoir droit à leur supplément de la caution de chômage, dont essentiellement des femmes. Et en attendant, les différents partis vont faire des beaux slogans en disant qu'il faut se battre contre le sexisme et des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une société du spectacle, hein. Profondément. Je crois qu'on est là, on est au summum, quoi. C'est du spectacle à fond, quoi. Bah oui, je ne sais pas quoi rajouter à ça. Tu peux applaudir, hein, la société du spectacle, ça fait partie de... Tu applaudis, tu n'es pas content, tu zappes. Tu zappes. Par rapport à ça, ça je parle, ce que je connais mieux moi, au niveau du journal, par rapport justement à l'image, donc c'était une grosse question, parce que comment est-ce que... Si tu crées un journal qui est justement indépendant, comment tu traites l'image du journal, quoi. Donc on s'est posé pas mal de questions. Au début, on n'était pas trop d'accord parce que forcément, on était Alex et il était plus dans des journaux qu'on connaissait, que moi je lisais aussi, sans le citer. Mais moi, je trouvais qu'il fallait justement sortir du journal type, voilà, altermondialiste, mais parfois un petit peu caricatural. Et puis en plus, moi, je trouvais que c'était quand même très macho, en fait. Tu vois, au niveau de... C'est toujours un peu... c'est souvent... En fait, il n'y a quasiment pas de femmes qui font des illustrations. Et c'est souvent très caricature. Donc, ça peut être bien, mais pas tout le temps. Et donc, c'est marrant parce qu'au début, moi, j'ai juste contacté une première illustratrice dont le travail avait l'air de bien... je trouvais que ça fonctionnait bien avec les articles qu'on pensait illustrer. Et du coup, ça a fait boule de neige, quoi. Donc, c'est une première... cette fille-là qui... Voilà, et une Nicole aussi. Et donc, du coup... mais ça donnait vraiment quelque chose de différent parce qu'elle n'abordait pas du tout les illustrations de la même manière. Donc, ça donnait beaucoup plus, plus de distance, plus poétique, et plus de distance aussi, moins premier degré. Et du coup, c'est un peu ce qui a créé l'identité du journal aussi. Et puis bon, après, il y a aussi des garçons, ce qui est marrant, voilà. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que les garçons qui illustrent dans le Kairos, je trouve, ils sont quand même dans un... je les verrais pas illustrer. Non, mais je les verrais pas faire des... ils sont pas justement dans la caricature, je trouve qu'ils sont... tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est juste l'apanage des femmes d'être poétiques, mais c'est juste que voilà, il y a une espèce de tradition comme ça dans le journal parfois... alors qui plaît ou qui plaît pas, hein. Oui, il y en a certains qui trouvent l'illustration trop abstraite. Voilà. Moi, je crois que c'est bien aussi, il faut des deux. Bon, ça, on essaie d'équilibrer. En tout cas, ce qu'on voulait vraiment pas, c'est utiliser des banques d'images ou des... On voulait que tous les visuels soient originaux, quoi, et soient créés en regard des articles et qu'on n'utilise pas comme ça des images juste pour habiller, quoi. Moi, je me souviens aussi qu'avant la création du journal, on voulait qu'il y ait un contraste. C'est-à-dire que les textes soient violents, forts, radicaux, oui, mais que l'image soit souple. Ouais. Et qui est un peu une certaine poésie, histoire de montrer que le texte était violent parce qu'on répondait à une violence beaucoup plus importante et parce qu'on faisait juste que l'illustrer en fin de compte, mais qu'en fin de compte, on ne cherchait pas ça. Et donc il y avait un peu un contraste entre l'image, le dessin et le texte. Le dessin, parfois, c'est une manière aussi de se projeter justement dans l'imaginaire, tu vois, mais donc du coup, tu lis le texte, tu te poses des questions, c'est un peu dur, quoi, parfois, et du coup... Pourquoi un peu dur? Parce que, voilà, ça te renvoie à la réalité, donc c'est toujours un petit peu difficile, quoi, comme tu dis, quoi, tout va mal, c'est quand même difficile de l'admettre, mais en espérant que ça aille mieux, et je pense vraiment que dans les visuels, bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais je crois que les visuels compensent et ils ne font pas que soutenir l'article, quoi. Ils donnent une porte aussi parfois, une interprétation, et donc, c'est ce qu'on voulait. Ok, et au niveau comme ça, parce que vous dites oui, c'est vrai, tout va mal, je trouve aussi, hein. On en vit dans le même monde, il n'y a pas de problème, mais. Comment vous voyez la suite des choses, en fait, si vous pouviez imaginer un peu, tiens, avec ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, enfin, on est occupé à voir, il y a un nouveau gouvernement, il y a des grèves presque régulièrement, qui deviennent de plus en plus chaudes aussi. Comment vous voyez la suite des choses? Déjà, je ne sais pas, à mon avis, on la voit pas tous ou toutes de la même façon dans le journal, de ceux qui le font. Moi, j'ai plutôt une tendance, comme je disais, pessimiste. Je pense que on a tellement été formaté qu'il faudra vraiment une catastrophe. Alors, est-ce que ça sera salvateur? Est-ce que ça sera trop tard? Mais il faudra vraiment une catastrophe pour que les gens amorcent un retournement complet. Parce qu'il faut vraiment un retournement à 180 degrés. Donc, je pense que ça va s'emballer au niveau social, au niveau des grèves. Mais s'il n'y a pas un moment donné où les syndicats comprennent que le productivisme, parce que les syndicats sont productivistes, hein, c'est clair. Hein, leur seule idée, c'est de continuer à produire autant, mais de mieux partager les richesses. Ils ne se posent pas la question de ce qu'on produit, du sens de nos vies, du sens de ce qu'on fait, du sens de notre travail. Oui, le travail. Hein, du sens de notre travail, du sens du low cost, du sens... Ils vont se questionner sur le traitement des employés de Ryanair, mais pas du fait qu'on va en avion pour 35 euros à Barcelone alors qu'on paye 350 euros le train. Donc, s'il n'y a pas une modification profonde du logiciel, ça va être catastrophique. Et puis, la nature va nous rappeler à l'ordre, ça c'est évident. C'est évident, ça se passe déjà maintenant. Mais tu parles des syndicats, mais il y a aussi un pouvoir politique qui est là, hein, qui est mis en place avec... parles des syndicats, mais... Parce que je crois encore aux syndicats un tout petit peu, alors que le pouvoir politique, je n'y crois plus du tout. C'est juste des gens qui défendent leur place, qui pensent à la prochaine élection, et qui sont des espèces d'ectoplasmes totalement pourris. Il ne faut plus rien attendre d'eux. C'est terminé. Je veux dire, c'est le fait de croire encore en eux, le fait de croire encore qu'au sommet de Paris en 2015, il va y avoir une réponse, c'est perdre du temps. Et les médias nous font croire à ça. Je veux dire, le sommet de Copenhague, moi à l'époque, je travaillais au Grésage, j'avais écrit un article, chronique d'un échec annoncé, avant que ça se passe. On savait que ça allait foirer. Et 2015 va foirer. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir des accords, mais des accords qui vont... ne pas reconnaître par la suite ou que des accords qui ne veulent rien dire. Non, on est dans une compétition. Donc c'est un peu comme si un coureur qui était en tête disait « Oui, tu vas me rattraper dans un mois. » Non, il va continuer à courir très vite et il ne va pas laisser le rattraper. Ça n'a aucun sens. C'est de la poudre aux yeux. Donc il faut arrêter de croire, il faut créer des mouvements sociaux apolitique entre guillemets, hein. Je veux dire apolitique, politique, politicienne. Toujours politique parce que tout est politique, mais qui ne sont plus dans l'espoir qu'un changement viendra par les élections. Ouais, le changement ne viendra pas d'en haut, quoi. C'est par la... De toute façon, moi je pense que c'est pas tellement une question à se poser de savoir comment ça va se dégrader parce que... Tu vois, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Une question de comment ça va se dégrader, puisque c'est déjà la dégradation. C'est contre, comment, c'est, voilà. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je veux dire, je ne sais pas si tu as des enfants, c'est quoi le futur? Qu'est-ce qui se dessine derrière, quoi? Comment vous voyez les choses? Ben voilà, mais moi je préfère, d'une certaine manière, moi je suis comme Alex, je suis assez pessimiste, mais je préfère pas trop penser à ça. Mais par contre, oui, voilà... Il est temps tout de suite de se battre. Parce que si... En fait, le problème, c'est que si on ne peut pas savoir exactement comment ça va se passer, mais ça va mal se passer. Donc, si tu... Hein, comment ? Ça risque de mal se passer, ouais. Et donc, il faut quand même y penser, parce que c'est aussi quand même une... ça donne aussi une certaine énergie, en fait, pour se battre, moi, je pense. Mais en même temps, il faut... On ne peut pas penser qu'à ça. Voilà, si tu penses qu'à ça, tu ne peux pas lutter non plus. C'est très déprimant. Voilà. C'est marrant parce que ça me semble, c'est de la logique même, non ? Mais de mon point de vue, hein. C'est-à-dire que, y a un journal qui existe, où souligner les choses telles quelles, c'est la merde en gros, très clairement. On est bien obligé, moi c'est ce que je pense, on est bien obligé de regarder... plus loin pour essayer de mettre en chose des places intéressantes pour que ce ne soit pas le chaos, même si ça devient le chaos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la vision chaotique totale peut mener à l'inverse, c'est-à-dire dire « je m'en tape en fin de compte, je vais consommer à mort, prendre l'avion 20 fois par an, puisque de toute façon c'est le chaos ». Donc c'est ça le problème, certaines personnes ont une vision chaotique totale, ça a l'effet presque inverse. Donc non, si on a une vision pessimiste avec une forme de réalisme et d'optimisme, sans quoi on ne ferait pas le journal. Si on se disait c'est foutu, on le ferait pas. Donc il reste toujours une once d'espoir. Et puis oui, on a des enfants, donc la vie est belle, c'est fantastique de voir grandir des enfants, la nature est belle, il y a des choses superbes. Mais néanmoins, quand on sort avec ses gosses à Bruxelles en semaine et qu'on sent les pots d'échappement et que t'as ta fille qui te dit papa ça sent mauvais et que tu vois l'embouteillage chaque matin qui remonte un peu plus haut vers la rue, c'est très très très désespérant. Ouais, ouais, c'est désespérant. L'homme est désespérant, c'est clair. Il devrait un peu faire comme dans Falling Down, qui est un film totalement bidon américain, mais dont le début est fantastique. C'est-à-dire que le type est dans l'embouteillage, à un moment donné, il en a ras le cul, il sort de sa voiture, il claque la porte, il dégage, il laisse sa voiture comme ça, et il arrive dans un McDo, et il dit « un petit déjeuner, s'il vous plaît ». Alors, la personne lui dit « non, c'est pas possible, il est midi 3 ». Mais il fait « c'est pas possible, c'est jusqu'à midi le déjeuner ». Il fait « non, il est midi 3 ». Alors, il sort son riot gun, c'est fantastique, c'est tout à fait ça, on est dans une société... C'est totalement absurde. Donc, la règle, c'est de prendre sa voiture et de prendre son déjeuner jusqu'à midi. Voilà, c'est tout. Mmh. Mais non, il faut sortir de ça. Et on se demande comment on va faire. Est-ce que je trouve aussi, tu vois, cette question-là, de savoir comment... Je trouve que c'est difficile à dire, quoi. Parce que... je sais pas, que c'est une question intéressante, quand même. Tout à fait, je suis d'accord. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête... je ne saurais pas expliquer, moi, ce qui se passe en... on dirait qu'on a une espèce de système d'autodéfense, donc on sait que ça risque de très mal se passer, mais tu gardes quand même, t'as quand même toujours envie de faire quelque chose pour ne pas que ça se passe, quoi, tu vois. Parce que si on était complètement réaliste, bah, de fait, peut-être que, comme tu dis, on laisserait tout tomber, on fera un dernier gros feu d'artifice et puis on est dans une société de la distraction, ouais. Donc comme depuis des décennies les médias nous habituent à se distraire de ce qui se passe autour de nous, les gens continuent à se distraire, se bourrent d'antidépresseurs, se noient dans le travail pour ne pas voir la réalité, d'arrêter d'un monde qui s'effondre. Le monde s'effondre, voilà. Et donc, votre journal Kairos, c'est pas du divertissement, c'est vraiment... Allez, dites-moi, c'est quoi ce journal ? C'est... On apprend des choses, on... On peut pas dire que c'est vraiment du divertissement, quand même. C'est... Bah, c'est... Non, mais c'est de la provoque, hein. C'est pour ça... J'espère qu'on apprend des choses. On essaie de mettre plus d'humour, c'est clair que parfois, il n'y en a pas assez. Pierre s'occupe d'une petite BD qui sort en page 24, donc en d'autres journaux où on essaye de faire des trucs marrants, même si ça fait référence à la société dans laquelle on est. Hein. Le numéro 15, c'était un peu ça, c'était c'est celui-là. Hein. Non, c'est celui-là. Voilà, c'était un peu sur la sortie de l'e-watch, c'est ça ? C'est comme ça que ça s'appelle ? L'Apple Watch. L'Apple Watch. On a fait la pire watch, mais... Voilà. c'est marrant. Mais ça fait toujours référence à une critique du monde dans lequel on est. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas en rire. Hein. Nous, on se marre, on peut picoler, se marrer. Ça, voilà, peut être, ça dépend de ce qu'on appelle aussi divertissement. Tu vois. Ouais. Parce que, non, c'était de la provoque. Oui, je sais. Non, je comprends pas. Mais par rapport au divertissement, c'est... Enfin, peut-être que maintenant, on est tellement là-dedans qu'on n'y pense plus. Mais moi, je me souviens qu'au tout début, parce que, bah, comme tu dis, avant que tu sois... Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui ne marchait pas, tu vois, il y a une dizaine d'années, un truc comme ça. Et puis là, j'ai découvert un peu la décroissance. Et puis après, ça s'ouvre à plein d'autres choses. Mais du coup, quand tu te rends compte... Enfin, en fait, quand tu sors de la matrice, on va dire, bah, t'as vraiment soif de comprendre ce qui se passe, tu vois. Et donc, du coup, dans ce sens-là, je pense que le Kairos, ça peut être... Ça, c'est pas un divertissement, mais ça peut faire du bien, quoi. Ouais, et moi, j'entends par divertissement, divertir, écarter. Voilà. Donc, divertir, écarter de la compréhension. Donc, oui, on peut se divertir, on peut s'amuser, on peut faire de l'humour noir, mais on ne veut pas écarter la personne de la compréhension du monde dans lequel on est. Mmh. Et tout, je veux dire, on fait tout simplement... ce que les journalistes devraient faire. Si je pouvais, c'est pas du tout une plainte, mais si le monde tournait bien et que les journalistes faisaient leur boulot, je cultiverais mes patates, je m'occuperais plus de mes enfants, je ferais d'autres choses. Bon, on dit pas qu'on trouve pas du plaisir à faire ça, parce que paradoxalement, l'homme est complexe. Et donc, à faire quoi exactement, je sais pas. Ben, à faire le journal, on se rencontre, et puis c'est un plaisir de se rencontrer avec des gens un peu qui pensent un peu d'une même manière, parce que on peut se sentir seul parfois dire dans son milieu professionnel, quand on dit un truc et qu'on nous regarde comme un extraterrestre, ça fait parfois du bien de se dire, voilà, on a au moins des idées communes et il ne faut pas culpabiliser pour ça. Parce que les extraterrestres, pour moi, c'est plutôt ceux qui pensent que tout va bien et que... et que acheter l'iPhone 6 850 €, je sais pas le prix, c'est tout à fait normal pour acheter le 7 dans 6 mois, quoi. Mais pour faire aussi en référence avec un, comme Alex, il a pris un film pourri américain, j'en prends un autre. Avec un, avec un début fantastique. Mais tu vois, Matrix, enfin pourri sur le scénario. Là. Mais moi, franchement, je pense souvent à ça. Tu vois, c'est comme si tu vois, quand tu sors un peu de la pensée unique, bah, en fait, ça peut être douloureux parce que, bah oui, voilà. Mais en même temps, ça, c'est un certain plaisir parce que tu te rends compte que, que tu vis, enfin, tu vois, que ta vie a du sens, que tu... voilà, un peu comme dans la pilule là, de Matrix où, Matrix, où donc soit tu vis dans le rêve et en fait, tu n'es pas en train de vivre et puis tu vis dans la réalité, donc... Donc voilà, ça, franchement, c'est une drôle de métaphore, mais franchement, je crois qu'il y a un côté comme c'est ça. C'est une reconquête voilà. De ton autonomie. Oui. Donc, c'est un peu comme le jeune enfant qui a du mal à se séparer de sa mère, mais en attendant, il est content de ne plus dépendre d'elle. Ben, c'est ça. Je veux dire, en gros, hein, pour faire une métaphore, se rendre compte qu'en fin de compte, nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous avons aussi une façon de réfléchir, le moyen de réfléchir. Pas juste de faire fonctionner sa cervelle, hein, parce que ça, on peut tous le faire, mais vraiment de réfléchir, de penser. C'est un côté jouissif aussi, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Moi, je suis parfois confronté à des gens qui sont dans une façon de penser où je me dis... quelle tristesse, et ils en souffrent. Et d'ailleurs, souvent, ils sont plus agressifs que moi, je le suis. C'est-à-dire je crois qu'inconsciemment ou subconsciemment, les gens se rendent compte. Les gens se rendent compte, les humains se rendent compte que c'est pas normal. Et donc, ils défendent un point de vue parce qu'ils ont été éduqués comme ça, parce qu'aller à l'encontre, ça serait... la pensée est très affective. Hein. Penser contre l'éducation qu'on a eue, c'est penser contre ses parents. C'est refuser le modèle qu'ils nous ont offert. Donc, c'est hyper profond, quoi. C'est presque psychanalytique. Donc, en même temps, ils se rendent compte que c'est une dissonance cognitive. Ce qu'on leur dit est une forme de vérité, mais ils peuvent pas y aller parce que ça serait trahir leurs parents. Leurs parents, leurs professeurs, leurs grands-parents, dire, le milieu dans lequel ils ont été éduqués. Et donc, il y a une grande souffrance, mais une grande agressivité aussi. Les gens qui ont devant eux des faits objectifs sont très violents. Sont très violents. C'est normal, hein, c'est pas si évident que ça de changer toute sa construction. Hein. Donc, il y a des défenses qui sont là, qui se mettent en place. Ben, évidemment, quoi. Sinon, ce serait trop simple. Hein, et puis là, je pense qu'on est arrivé aussi à un seuil, encore une couche encore au-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si y avait une machine qui était en route et elle a plus de tête, quoi. Elle ne pense plus, elle avance droit dans le mur et tout le monde le voit bien. Mais tout le monde ne peut pas changer sa manière d'être aussi facilement, quoi. Et puis il y a les conditions matérielles d'existence aussi. Je veux dire, beaucoup n'ont pas envie de changer leur façon de vivre et voilà. C'est normal aussi. On est tellement loin aussi que voilà, moi je pense qu'on n'est pas si peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant que ça ne va pas bien. Peut-être qu'ils ne savent pas exactement pourquoi, voilà, mais qui savent très bien qu'on va dans le mur, mais qui se disent que de toute façon c'est foutu. Et donc tant qu'à faire, ils continuent, quoi. Tu vois, voilà. Je crois qu'il y a de ça aussi. Hein, ça c'est clair. Et puis on est tous pris dans le système. Hein. On ne se dit pas, dans la rédaction de Kairos, ou en tout cas, on ne se dit pas, nous sommes parfaits, hein, non. C'est d'ailleurs une grosse critique des détracteurs de ceux qui se disent décroissants ou antiproductivistes, c'est de dire, ouais, mais tu vois, toi tu fais ça. Tu vois, toi tu fais ça. Ben, évidemment, on est pris dans ce système, donc on a tous un fond capitaliste. On est né dans une société capitaliste, donc on est tous contradictoires. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'un vélo, en fin de compte, il y a quand même du plastique, du caoutchouc dans les pneus. Non, mais j'ai déjà eu la réponse. Voilà, on est opposé à l'avion, mais ça peut nous arriver dans certaines circonstances de le prendre. Donc voilà, on ne se dit pas du tout parfait. On se dit juste que continuer comme on fait. Ouais, voilà, mais non, mais c'est pas ça le problème, mais c'est parfois difficile parce que c'est toujours la critique qu'on a vis-à-vis des gens en face, et c'est quelque chose qui parfois est dur à vivre pour certains militants ou certaines personnes qui questionnent le système. Mais c'est pas ça le problème, évidemment. Mais donc ils essayent de nouer le poisson en disant mais toi, t'as vu ce que tu fais ? Et c'est clair que c'est pas ça le problème, et c'est pas ça, et c'est pas là-dedans qu'il faut rentrer. C'est-à-dire, nous sommes tous contradictoires. À quel niveau on accepte de l'être, ou à quel niveau on accepte de ne pas l'être ? C'est ça la question. Mais on est contradictoires, évidemment. Surtout, ce que je comprends, moi, avec ce journal, c'est voilà, j'explique brièvement. Donc, j'ai fait la rencontre de Kairos dans une librairie. Et je prends le journal, tiens, en avant, je le bouquine, là. Je l'ai dévoré, parce que c'est une info ici et maintenant, quoi. Ça parle aussi, c'était sur la police, les flics, les manifs, des trucs énormes qui se passent pour le moment. Et c'est vrai que ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de le voir écrit. Ça veut dire que c'est pas que moi dans mon trip ou un tel où on discute autour d'une table. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette police qui se met en place et qui devient de plus en plus facho, qui discute plus, qui t'embarque. Donc voilà, ça fait... c'est aussi des clés un peu pour comprendre le monde, quoi. Voilà. Donc, ça fait du bien, ça. Mais c'est important ce que tu dis. Ça fait du bien que ça soit écrit. Parce que parfois, on nous dit, j'entends souvent, mais pourquoi vous ne faites pas juste un site internet ? Ben, paradoxalement, peut-être, on pense qu'il y ait un support matériel, du papier, qu'on peut échanger, qu'on peut donner, sur lequel on peut discuter, qu'on peut mettre au milieu d'une table et en discuter à plusieurs personnes autour. Ben, on pense que c'est très important. C'est important, le fait qu'il y ait un support réel, quoi, et pas virtuel. Et donc ça, c'était un point important. Alors, on a un site, on va le développer, mais ça ne prendra jamais le pas sur le journal. C'est marrant parce que souvent, on entend l'inverse. Hein. Aujourd'hui, le papier, ça devient vraiment rare, quoi. Mais comment vous faites ? Vous le tirez à combien d'exemplaires et comment ça se passe pour le tirer, en fait, au niveau financier ? En fait, on a un petit artisan qui fait encore ce papier tout seul dans les bois. Et... non, en fait, on le fait sur une grosse rotative. Et donc, maintenant, on le tire à combien ? Ça dépend. On est entre 1005 et 2005, mais ce n'est pas significatif. Le gros problème, c'est le stockage. Parce que, dans la cave de ma mère ou chez moi. Voilà. Parce qu'en fait, comme c'est un journal qu'on... Une fois que les gens le connaissent, y en a qui demandent les numéros précédents. Donc, en fait, même si le premier, on l'a moins distribué, on pourrait arriver... Enfin, d'ailleurs, il y en a qui est à sec, qu'on n'a plus de numéro. Donc, on se disait que c'était bien de bien le tirer, de garder, garder les stocks, mais on ne sait pas comment faire. Et après, qu'est-ce que tu disais ? Comment on le produit ? Donc, on fait ça... On l'a sorti... les premiers numéros sont sortis par des dons. Donc, on a fait un appel à dons. Pas du tout, ça n'a pas été communiqué dans divers milieux. C'était de bouche à oreille. On a fait un appel à dons. On a reçu, 3, 4, 5 000 euros, je ne sais plus. Et on a imprimé les premiers numéros. Après ça, il y a eu des abonnés qui ont suivi. Et donc, ça continue. Chaque fois, au début, on se dit, tiens, comment on va sortir le prochain ? Bon, maintenant, ça fonctionne, ça sort. Donc, voilà. Il est distribué par Tondeur, un petit distributeur ici en Belgique francophone. Il y a quelques librairies qu'on distribue nous-mêmes. On diminue parce que ça prend énormément de temps. Voilà, c'est plus ou moins comme ça qu'il se fait connaître. Mais on a besoin... Ça c'est vraiment... C'est le point essentiel. Au niveau vraiment pratique, maintenant, c'est ce qu'on doit vraiment mettre en place. On n'est pas très bon en com. Et donc, du coup, on doit le travailler. Et parce que voilà, nous, ce qu'il nous faut maintenant, c'est qu'il soit plus diffusé. Parce qu'à chaque fois, on se rend compte que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et quand ils le connaissent, ils sont plutôt très réceptifs. Ouais. Donc voilà, le problème, c'est pas tellement... il a un très bon accueil, mais on a du mal, nous, à le diffuser. Quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on... Parce qu'au début... aussi le site et tout, c'est aussi parce qu'on en avait un peu marre aussi, tu vois, tout ça. En plus, moi, je suis graphiste, donc, tu vois, on fait tellement de trucs pour le web et j'en ai tellement marre du web que... Devant l'ordi, ouais. Voilà, donc... mais on se rend compte qu'en même temps, voilà, maintenant, on va devoir quand même essayer d'utiliser aussi les outils sur le web, etc., pour pouvoir diffuser le papier, quoi, tu vois. Mais c'est un peu la question, c'est un peu compliqué. On est là-dessus pour l'instant, quoi. On travaille... Voilà, tiens, le retour des gens, c'est plutôt positif alors. Oui, c'est très positif. Oui, récemment, on a eu un retour des lecteurs. Je trouve qu'on n'en a pas assez. J'aimerais bien en avoir plus, mais il disait une de mes seules bouffées d'oxygène intellectuel. Et donc voilà, ça fait hyper plaisir. Il y a plein de retours que j'ai oubliés, mais non, je crois que ça manquait quand même dans le paysage médiatique belge, francophone, ce type de journal. On n'a jamais eu des retours dans, inverse, genre « Ah non, arrêtez avec votre journal, ça m'a complètement déprimé. » Ouais, mais justement, c'est bien de soulever ça. Moi, je trouve que ce qui est beaucoup plus déprimant, c'est de regarder le JT de l'RTBF à midi. Ça, c'est déprimant. Parce qu'on, je veux dire, y a pas de recul, il n'y a pas d'explication, c'est juste du brut, du violent. Non, lire Kairos, c'est dur, c'est clair que ce n'est pas facile, mais en fin de compte, c'est beaucoup moins violent que ce qu'on nous sert tous les jours. Mm-hmm. Et donc, ce que je dirais aux lecteurs, c'est essayez au moins, c'est 18 euros par an, c'est rien, quoi. Essayez, même si vous êtes d'accord avec deux articles, au moins, vous ferez vivre la presse libre, alternative et radicale, quoi. Après, on n'aura plus le choix, quoi. Quand tous les journaux alternatifs seront morts, il y aura plus que, on nous servira plus que du truc à la Orwell, quoi. Tout va bien, même si tout va mal, quoi. je voulais dire moi par rapport au fait, oui, quand on disait oui, mais tout va mal, tu vois, est-ce que c'est pas justement à cause de ça que les gens ne réfléchissent pas parce qu'ils ont peur, etc. Mais je veux dire, Kairos, en tout cas, comme tu dis, quoi, c'est pas pire de toute façon que les médias ambiants. Donc les médias ambiants, ils mentent et c'est quand même négatif, et c'est quand même triste et ça, les gens ont quand même peur. Donc on fait pas pire, quoi, tu vois. Au moins ici, on comprend, on essaie de comprendre et on essaie d'expliquer. Donc je pense que le fait d'expliquer, de comprendre, c'est quelque chose. Enfin, je pense que c'est pas une peur, c'est pas juste une peur comme ça, comme quand t'es petit, que t'as peur du noir, que tu sais pas ce qui se passe. C'est que tu te rends compte, tu une crainte du. C'est pas la peur en fait, c'est que tu te dis. Avoir de la conscience, non, ta conscience, tu la réveilles, du coup, tu vas devoir peut-être poser des actes et ça, voilà. C'est peut-être ça qui est dérangeant en fait. Ouais. Oui, tu te dis, ça va pas être facile. Mais je pense pas que c'est vraiment de la peur. C'est pas pareil. Avoir peur, c'est vraiment se dire, ça va mal. Moi, je pensais à ça tout à l'heure. C'est pas de la peur. C'est peur d'avoir peur. Ouais. C'est autre chose. Mais ce qui est marrant avec les mass médias, c'est qu'ils ont toujours l'impression d'être indépendants et neutres. Et qu'ils font juste expliquer ce qui se passe. Mais ils y participent à fond. Le 6 septembre, je crois que c'était le 6 ou le 10 septembre, quand l'iPhone 6 est sorti, il n'y a jamais eu autant d'infos. Le Soir a fait sa page 2 et 3 complète sur la sortie de l'iPhone 6. Il y a eu des forums, des discussions sur les sites internet, c'était la totale. Donc à ce moment-là, en fait, ils surfent dans la vague. Mais dès lors qu'il faut essayer d'instiller une autre pensée, une pensée critique, ils jouent sur le fait que le lecteur va avoir peur. Mais ça les rassure. C'est eux qui ne veulent pas créer une discussion et qui ne veulent pas se dire merde, je m'autocensure. Mais quand ils sortent l'iPhone 6, ils créent le phénomène qu'ils décrivent. Et ça, ils ne le reconnaîtront jamais. Encore hier soir, il y avait trois journalistes de la presse, disons, de masse. Il n'y en a pas un qui l'a reconnu, quoi. Il n'y en a pas un qui l'a reconnu de. Qui l'a reconnu, mais qui a reconnu. Qui avait une forme d'autocensure. Ils l'ont reconnu à demi-mot. Mais ils ont dit qu'ils faisaient leur travail en pleine conscience. Mais... Oui, mais c'est pour ça qu'une personne comme ça se retrouve à ce poste-là et c'est pas évidemment. Toi qui t'y retrouves. Quoi. Tu vois, on met aussi les gens au bon endroit. Évidemment, mais on a envie un peu de faire comme Pierre Karl. Mais je crois pas qu'il faut courir après ça, mais on a envie un peu qu'ils le disent. On a envie de les coincer un peu comme ça. Moi, je rêve de faire des tu n'y arriveras plus à les coincer. Ok, j'arrête alors. Et votre Kairos, on peut le trouver où? Comment on tape ça sur le net? Comment on le fait pour trouver en papier, quoi? Le plus simple, c'est l'abonnement. Hein. Franchement, c'est s'abonner sur le site. Ça, c'est le mieux pour nous. Il arrive d'office dans les boîtes aux lettres. Il n'est pas cher. Sinon, il est dans beaucoup de librairies en Belgique francophone. Mais il n'est pas dans toutes les librairies. Alors, on a une liste qui n'est pas mise à jour sur le site, mais c'est plus ou moins ça. Ouais. Mais c'est vrai que le mieux, c'est l'abonnement, quoi. Le mieux, c'est l'abonnement. Ou, ce qui est génial aussi, c'est un vendeur de presse, une librairie qui croit en nous et qui en vend plein. Par exemple, Tropisme en vend entre 60 et 80. C'est sa meilleure vente de magazines, de journaux. La librairie Bria-Savarin, qui était reprise avant, on vendait 50, c'est ici, tout près de l'ULB. Bon, voilà. Ici, on a essayé depuis des mois, j'essaye qu'une des plus grosses librairies ici, à l'avenue Paul Léger, à l'ULB, mette Kairos, mais comme c'est les AMP qui les distribuent, chaque fois, il essaye de ne pas le faire, donc en attendant, il ne le fait pas. Mais ici, si on avait ne fût-ce qu'un lecteur, 1% de lecteurs de Kairos à l'ULB, ça ferait des centaines de ventes, ça ferait des gens qui en discuteraient. Mais voilà, c'est dur, quoi. Il faut que le libraire croit en nous aussi. Mais le mieux, comme dit Pierre, c'est les abonnements, quoi. Bon, longue vie à Kairos, alors. Oui, longue vie à Kairos. Que peut-on dire d'autre ? Follow.